C'est pas une vie d'être apparemment le seul mec de ce bahut avec ses filles pour après quand je ne cherche que l'amour de ma vie. En avril, pas de pluie, y'a toujours du soleil dans ce vieux lycée. Sakura Sakidai Sato. C'était mon dernier jour avant la terminale. Et un ange arriva, c'était plutôt vraiment banal. Elle fit une erreur critique en déchargeant des flèches sur moi. Et d'un seul coup, y'a plein de nanas qui me suivent. Et que des jolies. C'est pas une vie. Heureusement, ça se finira avant cette nuit. Je ne la trouve pas, je finirai sur la béquille. C'est pas une vie d'être apparemment le seul mec de mon bahut avec ses filles qui courent après quand je ne cherche que l'amour de ma vie. Shinobu et Maya, c'était des bonnes copines. On se marrait bien quand on était tout petit. Je pensais déjà que je me marierais l'une d'elles. Mais il faut que je choisisse avec laquelle finirai-je. Mais si ça se trouve, ce sera avec Ekoro ou Kurona. Vivre avec un ange et une diablesse. Mais si ça se trouve, ça sera avec Patako ou une autre nana. Car après tout, y'a aussi le reste de l'école et même les profs. C'est pas une vie. Heureusement, ça se finira avant cette nuit. Je ne la trouve pas, je finirai sur la béquille. C'est pas une vie d'être apparemment le seul mec de mon bahut avec ses filles qui courent après quand je ne cherche que l'amour de ma vie. Je ne cherche que l'amour de ma vie.